fait, il est sur une autre gamme, lui, hein, je crois. La touche pop. Tu la joues plus tôt toi là-bas la dernière note. C'est dur avec la gamme derrière. Mais c'est un exercice en fait de jouer avec une gamme qui te perturbe et de rester concentré, ça fait un exercice. Bon, par contre, c'est de la merde qu'on est en train de faire. Hein. Là, on fait de la merde, t'es d'accord avec moi? On fait de la merde. Bah, moi, je mute la piste parce que après, vous avancez. chimie, ma touche personnelle, mon petit côté pop. Et c'est plus du jazz. J'ai essayé les effets de Reaper, le compresseur et la reverb, mais c'est pas terrible. C'était un petit lapin qui se promenait dans la forêt avec des chasseurs tout autour du petit lapin. Et soudain j'entends un grand coup de feu. Le petit lapin avait peur. Le petit lapin avait très peur. Et le coup de fusil soudain, c'était un petit lapin. Il était tout blanc. Un joli lapin qui se promenait dans la forêt. Mais des chasseurs en avaient décidé autrement, car ils voulaient faire un civet, un beau civet de lapin. Et soudain le coup de feu, hey, c'est la chanson du lapin. C'est un petit lapin, il n'avait rien fait de mal. Mais le petit lapin s'est fait prendre par les chasseurs. C'était la chanson du petit lapin. Du petit lapin. Du petit lapin. Attention le coup de feu. Et le lapin, il est décédé. Chanson.